À Éléonore, quatrième. Ô toi qui fus mon écolière, en musique et même en amour, viens dans mon paisible séjour exercer ton talent de plaire. Viens voir ce qu'il m'en coûte à moi pour avoir été ton bon maître. Je serai mieux portant, peut-être, si moins assidu près de toi, si moins empressé, moins fidèle, et moins tendre dans mes chansons, j'avoue ménager des leçons où mon cœur mettoie trop de zèle. Ah, viens du moins apaiser les maux que tu m'as faits, cruel. Ranime ma langueur mortelle, viens me plaindre, et qu'un seul baiser me rende une santé nouvelle. Fidèle à mon premier penchant, amour, je te fais le serment de la perdre encore avec elle.